ici Pierre-Luc. Ici Yannick de Trois-Bières. On vous invite tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages sur Rachel pour les soirées enregistrement de Pas de problème et pour le broadcast. Vous avez un problème? Ils ont un podcast! Yeah! Vous avez un problème, nous avons un podcast! Oh oui! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin! Mathieu Bouillon! Salut! On s'attend tellement! Ouais, c'est tout! Ben là, j'ai juste dit salut, mais ça va te voir bizarre! Ah, ok! Ah, magnifique! Et notre invité de la semaine... l'auteur et improvisateur François Gilbert. Hey, merci, salut Frédéric. C'est rare que je te donne ces titres-là quand oui, on se parle. Et c'est rare que je parle dans le cadre d'un pas de problème. Ah oui, si on se rappelle bien, c'était quoi déjà le problème? J'ai oublié le problème, mais on avait enregistré dans un food court avec un François Muet. Le problème, c'était la fille qui trouvait qu'elle avait des parasites dans son langage. Oui, t'as raison. Et puis toi, t'avais sorti la bonne idée de Jean Racel, mais François était là et il nous écoutait, il voulait pas participer. Mais il est là ce soir et il a accepté de participer parce qu'on a un problème pour lui. Et rapidement, j'aimerais vous dire que à chaque semaine, on prend un de vos problèmes et on vous offre une panoplie de solutions. Et à vous ensuite de nous dire ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, ce que vous avez choisi. Nous, on fait ça gratuitement, hein. Mais vous pouvez toujours nous faire un don sur via PayPal à l'instable.com. Oui. Donc, montant visé, 1 500 $. Et on est rendu à combien, là? 52. Alors. Donc, il n'y a pas personne qui a mis de l'argent depuis les 4 derniers, pas de problème? Non. Ah bon? Moi, je pensais qu'avec lui, de la vaginose, on allait frapper fort. Mais non! Bon. Mm-hmm. Intimidation. Ben oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent pour la première fois ici, puis on leur dit « Donnez-nous de l'argent. » Mais non, vous autres, vous êtes ici. Vous nous donnez de votre temps et on est très contents. Et cette semaine, le problème nous vient d'une spectatrice, une auditrice live. Non, alors Geneviève Plante qui était là le mois passé et qui nous a fourni le problème suivant. Pam, pam, pam. Mais veux-tu que je lise? Parce que j'avais pas écrit la bonne version. Qu'est-ce que ça veut dire que ce que j'ai là devant moi, c'est pas la bonne version du problème? C'est la recherche okay, que j'ai faite toute la semaine, non, okay. Là, je l'ai basée sur ça. Là. OK, Martin, vas-y, lis-le. Parfait. Comment faire passer un très long voyage en avion plus rapidement? Geneviève Plante. Et la vraie version, c'était comment se désennuyer en avion lors d'un vol interminable? Oui, c'est ça. Je trouvais qu'il était plus... je trouvais qu'elle avait mieux formulé que moi. Mais c'est sensiblement la même chose. En fait, c'est que tu prends le mot « rapidement » puis tu le remplaces par « interminable ». Mais tu t'appelles Geneviève Plante. Bon, OK. Moi, je suis correct avec ça. OK! Oui. Alors, c'est pas seulement pour ton intellect incroyable, François, qui était avec nous. Non. C'est aussi parce que t'as vécu des voyages interminables. Oui, je suis là à titre d'expert. Oui! Alors, j'ai plus de 30 vols de 14 heures et plus derrière la cravate. Tab. Tout un globe trotteur. Oui. Oui. C'est un citoyen du monde. Oui, Mathieu. Yeah. Mais Mathieu, avais-tu quelques notes sur le voyage? Oui. En fait, les premiers voyages que les gens faisaient à l'époque de l'Antiquité, parfois on croit à tort que c'était en autobus voyageur ou en avion, mais ces inventions-là ne sont arrivées que beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité. Ah ouais. Alors souvent, là, les longs voyages, eh bien, c'était à pied, à dos de chameau, parfois même à cheval. Hein, la cheval, ce n'est pas que des steaks sur le barbecue, c'est également un moyen de transport. Donc, et ceci conclut la portion que j'avais faite sur de recherche au sujet des voyages. C'est en feu. Oui, mais à l'époque, Mathieu, Comment les gens faisaient pour se désennuyer à cheval? Souvent, mais on se rappelle, hein, tu sais, dans nos bonnes vieilles calèches canadiennes ici, là, c'était souvent des roches chaudes sous les couvertures de laine, et on souvent demandait à un aïeul de raconter une histoire. Bon. Et lorsque l'histoire s'allongeait en longueur, on disait à l'aïeul de fermer la gueule. donc, mais je suis content que tu m'aies posé la question, car c'était en effet une recherche bonifiée sur le voyage. Mais okay. Là, je n'ai plus d'autres informations. Les avions ont été inventés par les extraterrestres. Voilà. Bon. Alors, prenez ça pour du cash. Et, mais sur le site planetoscope.com que je prends pour du cash, on me dit que depuis le 1er janvier, il y a 15 184 397 398 398. Ça avance, là, des vols. Et puis, il paraît qu'il y a 500 000 personnes dans les airs à tout moment. Comme en ce moment, il y a 50 000 personnes dans les airs. 500 000! Puis ça, ce que ça compte, mettons, les petites filles qui sautent. C'est comme... Yay! Mais évidemment, Mathieu! Okay. Bon, tu peux demander au moins 24. Les gens en parachute? Oui. Mais toi, François, quels ont été tes voyages les plus fréquents? Là? Le plus fréquent, c'est Toronto-Tokyo. Ah ouais? Ça, c'est un... Un bon 14 heures. Moi, je vois pas ça en heures, je vois ça en film. C'est un bon 4 films. Okay. 4 ouais. films du Dr. March. Ah, Mathieu, arrête de boire tout de suite. Ouais, Mathieu se surpasse ce soir. Surpasse. C'est peut-être l'orange croche qu'il a bu juste avant de pas de problème. Ah oui. En plus de sa pâte à dents au café. Alors, mais est-ce que tu voyageais seul ou avec des... Seul. Donc, ça passe encore plus lentement. Ah oui, donc une des solutions, ce serait d'avoir des partenaires de vol. Ouais. OK, mais gêne-toi pas pour élaborer quand tu veux. Mais non, mais toi, dans tes expériences, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris ton mal en patience? As-tu essayé des choses? J'ai essayé plusieurs choses, Frédéric. Comme quoi? Comme des sudoku. Ah oui? Et ça, après 2 minutes, j'étais tanné. Donc, ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Non, okay. J'ai également essayé de m'amener... J'avais des grandes ambitions littéraires, donc je m'amenais des grosses, grosses briques comme Proust. Je me disais, j'ai 14 heures, je vais lire un grand roman. Okay. Après 2 minutes, j'étais tanné. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui... Mais t'es capable de lire un grand roman? C'est ouais, mais tu le fais d'être en avion? Oui, je pense que oui. Puis l'excitation, le tout, qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Ah oui, c'est ça, on s'en va à quelque part. Oui, c'est ça. Mais au retour, c'est-tu plus facile? Non, ben au retour, souvent, je dors. Ah ouais. À l'aller, je suis excité, fait que je dors pas. Même okay. si c'est 14 heures, j'arrive pas à dormir une seule seconde. C'est habituellement, c'est sous des vols de nuit? Ben, ça dépend parce qu'on change l'heure cours de route. Est-ce la nuit, est-ce le jour, on ne le sait plus. Mais eux, ils nous obligent à ce que ce soit la nuit. Ils ferment toutes les lumières en cours de route. Fait que si t'as le goût de lire ton livre, tu te sens super mal d'être tout seul avec ta petite lumière allumée. Tu te sens complètement ridicule, fait que tu fais d'autres choses. Mais tu te sens un peu sous le spotlight. Tu sais, comme si t'étais la star de l'avion. Ouais. Fait que t'aimerais peut-être ça, Mathieu. Moi, j'aimerais ça. Mais quand t'as une vraie star un peu plus loin avec un spotlight... Ouais, genre Meg Ryan, mettons. Non, une vraie star. Meg Ryan 2. Non, l'ancienne Meg Ryan, avant oui, les changements. Alors, mais... quand on t'a offert ce problème-là, tu y as réfléchi un peu. Est-ce que tu as trouvé des choses que tu dis, j'aurais dû faire ça pendant mon vol? Ben oui, ou même avant le vol. Okay. Ça commence avant le vol. Au début, mon premier vol, j'étais super stressé. J'étais arrivé à l'aéroport 4 heures en avance. Fait que déjà là, le temps, on commence déjà à s'ennuyer à l'aéroport. Fait qu'avec l'expérience, j'arrive 1h30 à l'avance. Ensuite, dès qu'il appelle pour l'embarquement, au lieu d'entrer tout de suite comme un petit fou, ben, tu sais, je fais d'autres choses, je vais au Duty Free, je vais mettre de la crème, j'essaie des parfums, puis j'entre à la dernière minute. Tu sais, j'essaie de diminuer au maximum pour que le 14 heures ne devienne pas 16 heures dans l'avion. Mais est-ce que quand tu rentres, les autres font « Ben non, ils ne savent pas, comme je surveille, puis quand il reste 3-4 personnes, là, je cours, puis je rentre le dernier, ils ferment la porte. Fait que, tu sais, déjà, j'ai quand même économisé 45 minutes à être assis à rien faire. OK. Ça, c'est l'étape 1. C'est vrai. C'est bon? Ah, merci. Ben vous aussi, les gars, vous avez quand même fait des voyages, peut-être pas aussi oui, longs. Mais jamais Tokyo, Toronto. Moi, je faisais Toronto, Toronto. Tokyo, non. Métro Frontenac, ouais. Au pire, mettons. Mirabel, oui. Dorval. Oh, des petits vols, là. Ouais. Moi, d'ailleurs, avec François, j'ai voyagé une fois. Nous sommes allés à Lausanne pour un petit vol. Et il faut qu'on le dise, la partie où on a le plus ri à bord du vol, c'est au moment où, dégoûté par la nourriture, on s'est mis à en mettre dans nos visages. Donc, un de nous deux ici, je ne dirai pas lequel, a fini avec une barbe en mousse en chocolat. J'ai une vidéo sur mon téléphone qu'on m'a envoyée pendant qu'ils étaient dans l'avion, que je pourrais vous montrer tout à l'heure après le podcast. Oui, mais on a beaucoup ri, puis les gens autour ont ri aussi. Hein? Oui, beaucoup. On a beaucoup de complicité. Donc, une méthode facile, j'imagine, jouer avec sa nourriture. Mais combien de repas on a dans un vol de 13 heures? Ça, c'est un grave problème. C'est deux repas seulement. Donc, un repas à l'entrée et un repas à la sortie parce que les gens s'attendent à ce qu'on dorme pendant les heures entre les deux repas, ce que je suis incapable de faire. Donc, je suis tiraillé par la faim pendant à peu près 8 heures. Donc, l'idée, c'est de se faire ami avec une des hôtesses de l'air. Moi, la première chose que je fais quand j'entre dans l'avion, c'est que je cherche du regard l'hôtesse de l'air qui a l'air la plus gentille. Okay. Puis là, quand j'aspote, je me dis, c'est elle qui va m'amener un deuxième repas quand je vais avoir faim, des choses à manger, des choses à grignoter. Fait que ça, c'est quand même, ça serait mon conseil numéro 2. Spotter son... Spotter l'hôtesse de l'air smart. Oui, sa partenaire de vol. Oui, exactement. OK. Habituellement, c'est pas la plus vieille, hein? Et la plus fripée, mettons, là. C'est pas elle la plus fine, hein? Ça se pourrait. Pour vrai, ouais. Mettons, oui. Ah. Non, mais moi, je trouve que ça fait un peu prison, là. Tu sais, tu regardes le screw qui a l'air plus gentil. Oui. Puis oui. C'est ça. Puis le plus gros gars dans l'avion, tu lui pètes la gueule en commençant pour montrer c'est qui. Ouais. Le boss de l'avion. T'assurer que tu finisses pas à être la bitch à quelqu'un dans la toilette. C'est ça. Toi, ça t'est arrivé, hein, un Bangkok. Ça m'est arrivé. Dans des petits vols de rien en plus. Là, dans des bimoteurs, je me suis fait bagner en tête à plane. Mais. Ça a shaké dans le Cessna. Parenthèse, est-ce que. Quelqu'un ici, dans l'assistance ou dans le panel. Fait partie du Mal Eye Club, c'est qui est de faire l'amour en avion. Oh, moi non. Je ne l'ai jamais fait, moi. Toi, Fred? Ben, ça compte pas tout seul, là. Quand t'es tout seul, ça compte pas. Non. Mais c'est pas évident de faire l'amour là-dedans. Ben non, ils disent de faire ça, puis j'ai déjà, mettons... On a déjà eu l'idée, nous est déjà passé par la tête. Ça se fait-tu? Rapidement, tu vas des toilettes de l'avion, tu regardes les lieux, tu fais non, ça se peut pas. Hey, premièrement, une personne a de la difficulté à rentrer là-dedans. Mais oui, mais tu sais, en plus, tout le monde le sait, là, tout le monde te voit rentrer. Il y a tellement une file d'attente, là, c'est tellement insultant. S'il y a deux personnes qui sortent de là, tu fais voyons, ils ont clairement fourré pendant que moi j'ai envie de chier depuis 15 minutes. Ouais. Ils ont fourré dans mon odeur demain. Ouais. Mais parlant d'avoir du sexe dans l'avion, même oui. Si ça semble que personne ne le fait, c'est quand même un fantasme qui est assez fréquent. Ouais. Et moi, je suggérerais à toute personne qui veut se désennuyer en avion, avant d'entrer dans l'avion, dans la salle d'attente, d'identifier une personne avec laquelle elle aimerait faire l'amour dans l'avion. Donc déjà, ça commence à mijoter dans la tête, puis pendant le vol, se lever, se promener dans l'avion à la recherche de cette personne-là, deuxième jeu. Mm-hmm. Et pendant le vol, encore une fois, on essaie de créer des eye contact. On peut, oups, tu sais, comme il y a des turbulences, on accroche la personne. Donc, ça travaille dans la tête. On cherche des façons de communiquer avec la personne. Et ça peut désennuyer quand même une bonne heure et demie sur les 14 heures. Puis mettre son bagage à main juste en haut de cette personne-là, puis frotter son pénis sur son épaule. Voilà, merci. Ouais, mais si elle est assis sur le côté du hublot. Ah ben là, tu dis, tu feras ton pied sur la personne qui est à côté, puis tu dis, peux-tu passer ça à l'autre? Mais, mais moi, dans des solutions possibles, je pense qu'il y a revoir l'avion. Je sais que c'est énorme, là. Tu sais, on a déjà parlé pour le frigo, revoir comment les frigos sont faits, parce qu'on a déjà eu un frigo losange. Oui, le frigo losange, entre autres. Frigo losange. Mais les avions, tu sais, il y a comme un setup où on est cordé, vraiment cordé. Est-ce qu'il y a des avions où on pourrait mettre des lits à place? Il y en a maintenant. Il y en a-tu? Oui. Ouais. On a vu ça en classe affaires, je pense. Il y a maintenant des lits. Ah oui, ouais, mais ils sont un peu... C'est ça. Mais il faut que tu payes... C'est le gros prix de moi, ça. Moi, je parle, là, tu sais, un petit tube. Tu sais, des petits tubes comme dans le cinquième élément, c'est là-dedans qu'il y a... Fou. C'est un peu cordé, là. Oui. De même. Pas fou, pas en tout. Alors, voilà. Merci. Non, mais... Non, mais t'as touché quelque chose là, pour se désennuyer, là, je pense. En classe affaires, déjà, t'as plus de latitude, t'as plus d'espace pour bouger. T'as plus d'espace pour dormir. Oui, Fred, il y a quelque chose. Excuse-moi, je viens de flasher sur un concours que tu peux faire avec quelqu'un d'autre. Celui qui va péter le plus souvent en classe à faire. Ah, c'est bon. Oui. Attends, excusez, j'ai oublié, je te reviens. Puis tu prends des notes, puis là, tu gagnes. Il y a quelqu'un qui gagne un cadeau, je sais pas, là. Oui, c'est bon. J'invente ça au fur et à mesure. Donc, Frédéric, à date, on a frotté le pénis sur l'épaule, lâché des pets dans classe à faire. C'est le job de Mathieu que t'es en train de voler. Regarde, moi j'ai envie de fondre. Là. Si sur place, je fondrais de honte. Oui, mais non, mais tu sais, déjà, si on réussit à... Je sais pas, hein, je pense que c'est vraiment plus cher. C'est quasiment le double du billet. Hein, c'est très cher, classe affaires. Pense, ouais. Donc, ouais, trouver une manière de se faire inviter en classe affaires. Je sais pas comment, peut-être essayer... Il y a des surclassements des fois? Comment ça s'appelle? Oui, oui. Ils vont surclasser ceux qui voyagent le plus souvent, je pense. Mettons, si t'es un grand voyageur, là, ils vont te surclasser. Hey, je parle de quelque chose que je connais pas, hein. Puis ça, c'est le fun. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des gens qui voyagent beaucoup, donc souvent, quand il y a un surclassement, là, qui vont voyager avec leur carte, là, avec leur carte aéroplan. Combien de fois Gulliver est arrivé? C'est 103e classe. Fait dire, monsieur Gulliver. Et vous voyagez beaucoup. Voyagez beaucoup. Ouais. Il est chanceux. Ouais, Gulliver, ça y est arrivé souvent. Gugu. Ouais. Mais j'ai trouvé un site qui s'appelle 7 astuces pour survivre sur les vols longs. Donc, bienvoyager.com. Ben, on lit nous donc ça, Fred. Ben non, le site au complet. Il y a entre autres « L'eau est ton ami, consomme-la ». Ouais, mais elle est plate, l'eau. L'eau plate. Non, mais cette personne-là a raison parce que dans un vol longue durée, on se déshydrate complètement, ouais. On a la peau sèche. Et moi, ce que je suggérais même, c'est « Va te crémer à mi-parcours ». Ah oui? Amène-toi une petite crème hydratante. Quand ça fait 7 heures, t'es dans l'avion, va aux toilettes, puis asperge ton corps. Non, invite les autres. Apporte de la crème pour tout le monde. Toutes des petites bouteilles de 100 ml parce que tu peux pas apporter plus que ça. Mais, tu sais, le crème party, hey tout le monde! Puis là, tu fournis c'est ça. C'est bon, ça. Mais le si t'achètes crème. Ta crème au Duty Free, Frédéric, tu peux en avoir beaucoup plus. Ah ouais, le galon. Alors, mangez peu, mais mangez bien. Hein? Ça, c'est comme une femme enceinte, ça, c'est ça? Des vêtements confortables, on vous dit. Avec un smiley. Ben oui, mais souvent, là, on voit ça arriver, là, les bonnes femmes là, qui ont l'air d'être en pidge là, dans l'avion. Tu fais comme, ben voyons, c'est bien laid ce qu'elle met, mais à 5 heures de vol, tes envies d'être dans cette soute-là en flanelette. Moi aussi, j'aurais aimé ça avoir des pants écrits juicy sur le cul. Mais peut-être une chose qu'elles pourraient faire, ces femmes-là, pour que le temps passe un peu, donc arriver bien habillée et se changer en cours de vol dans des vêtements beaucoup plus confortables et avoir un troisième kit lorsque le vol est terminé, donc une heure avant d'atterrir, on va se rechanger une dernière fois et on refait bonne impression dans l'allée en paradant dans son nouveau kit. Exemple. Bravo. Puis quels seraient les exemples de vêtements chics en avion? Une redingote? Un pashmina? Un pashmina, un pantalon taille empire? Un palazzo? Un palazzo. Ah. Ouais, j'ai pas cette nomenclature des vêtements fans. Des vêtements fans. Il dit ça, il y a 8 tricornes chez eux. Mais puis même, il nous parle habillé en jumper. Il y a un beau jumper. Ah, ça s'appelle un jumper, ce que je parle? Oui. Bougez vos fesses, on conseille ici. Oui, Fred, à cause de la thrombose veineuse. Savez-vous c'est quoi, vous, une thrombose veineuse? C'est une sorte de tondeuse? Non, c'est une maladie, c'est un caillot de sang qui se forme dans une veine profonde lorsqu'un membre, mettons dans une jambe, lorsqu'un membre est trop longtemps immobile. Donc, c'est pour ça qu'en avion, ils recommandent de bouger. Donc, il y a des séries d'exercices qui suggèrent de faire. Et aussi, ils suggèrent de se lever, de marcher pour éviter ça. Très important ce que tu dis là, de ne pas pogner un caillot qui pourrait... Dans les vols longs, il y a des petites vidéos d'exercices. Oui, des fois, c'est ça. Dans China Airlines, ils sont très drôles, d'ailleurs. Puis des Friends doublés en français qui sont vraiment faire pas son propre doublage. Faire son propre doublage sur les films pour les autres qui sont alentour de toi. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu niaises. Mais oui, c'est bon. Des heures de plaisir ou 2 minutes de plaisir. Mais j'avais... ça implique se faire des amis dans l'avion. OK? Il y a joué à la chaise musicale. Oui, au très banc bon. Musical. Ouais, ce qui est étonnant, c'est quand il faut que tu enlèves une chaise à chaque round. Je sais pas comment tu fais ça. Ah, tu mets celui qui a perdu dessus, là. Ouais. Ou ben ta flush en toilette, c'est tellement fort, le bruit que ça fait, le... C'est sûr qu'un fauteuil peut passer là-dedans, moi, je pense. Ouais, recenser tous les célibataires du vol et faire un speed dating. Ah oui, c'est drôle. Ça doit tenter à tout le monde, sûrement. Ou un dating normal, vu que le vol est long. Pas speed. Oui, oui. Un slow dating. Parce que si c'est fini au bout de 10 minutes, t'es pas mieux parti. Préparer un quiz flight. Quiz flight, oui. Wow, bonne idée. Tu prépares des questions, puis là, tu fais « OK, qui veut participer? » Là, ça va être les D contre les E, là. Non, je sais pas. Ah, c'est le fun, pour vrai, c'est bon. Ouais. Et si t'as un film que t'aimes, ça, c'est une de nos solutions, habituellement, d'apprendre quelque chose, en profiter pour apprendre quelque chose. Si t'as un film que t'aimes beaucoup, tu viens de le regarder, mais tu l'écoutes dans une autre langue. Oui. Pour essayer d'apprendre cette langue-là. Ah, oui. Mais parlant d'apprendre une langue, moi, mon conseil à toute personne qui fait un vol de longue durée, évidemment, j'imagine qu'elle s'en va dans un endroit où il ne parle pas français. Parce que je pense que Paris, ça c'est pas un vol longue durée. Hein. Puis il parle pas français. C'est moyenne durée, puis il parle pas français. Ouais. T'as bien raison. C'est d'apprendre quand même quelques mots de la langue du pays où tu t'en vas et même d'essayer de commander ton prochain drink à l'hôtesse de l'air dans sa langue maternelle. Moi, c'est mon jeu préféré. Oui, mais maintenant, sur les petits écrans LCD là, qui ont devant les sièges, y a, où on peut sélectionner une variété d'émissions de télévision et de jeux, il y a toujours l'option « apprendre une langue ». Et il y a comme des quiz et des petites formations pour apprendre l'espagnol, l'allemand. Wow, c'est cool, ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est peut-être utiliser ça et après ça, faire venir justement l'hôtesse de l'air. Hein, on va prendre un drink, mais en hébreu. J'adore. Est-ce que ce serait une bonne idée de se faire un horaire? Non. Non. Attends, je non, c'est pas une bonne idée, Fred. C'est pas une bonne idée. Je parle à notre expert. Ah, OK. Pas à celui qui prend le bateau plus souvent que l'avion. Je sais pas, moi, travailler 2 heures, après ça, je m'en vais au cinéma. Ah, que... Oh non! Un souper entre amis. Jeu de console. Oui. Je sais pas, non, mais... Je trouve ton projet dangereux, Frédéric. Ah ouais? Parce que en avion, le pire ennemi de l'ennui, c'est le temps. Donc, qui dit horaire dit « je regarde ma montre toutes les 5 minutes pour voir où je suis rendu et où je m'en vais ». Et je pense que c'est assez risqué. Non, mais si tu es toujours en train de faire quelque chose, c'est justement ton horaire est fait, tu y penses plus, tu fais « Ah, j'ai fini ça », tu regardes l'horaire, tu regardes pas l'heure, tu regardes l'horaire, tu passes à l'autre. Oui, mais ça, c'est à condition que tout ce que tu as prévu faire, c'est le fun. Ah. Et souvent, on découvre que ce qu'on avait prévu, tu sais, moi, j'amène mon sac d'affaires à faire. Puis là, je fais « Ah, au bout d'une demi-heure, je passe au travail, je fais « Ah, merde, c'était donc ben pas des bonnes idées, finalement. » Fait Mais il faut laisser place à l'imprévu. T'sais, comme à un moment donné, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose entre les hôtesses de l'air parce que c'est rendu au milieu du vol, ils sont tous en arrière puis ils jasent. Ben, ouais. Tu te lèves, tu passes par-dessus les 2 personnes qui dorment. Déjà là, c'est 15 minutes de passé. Okay. Et tu vas en arrière les espionner subtilement en faisant semblant d'aller aux toilettes. Mais pourquoi t'en passes juste 2? Passe tout le monde! Mais parce que je suis sur le bord du hublot, Fred, puis il y a seulement 2 personnes qui me séparent de l'aller. Mais tu vas faire ça sur d'autres bancs. Je manque de créativité. Mais non, je lance des solutions comme ça, là. Mais je pense que la meilleure idée pour tout le monde, ce qui fait passer le temps le plus vite, c'est bel et bien de dormir. Donc, pour être sûr de dormir 14 heures en ligne, peut-être, moi, je suggérerais de passer les 48 heures avant le vol sans dormir. Donc, comme ça, là, t'arrives là, ben, ben, ben fatigué. Et là, tu te couches dans l'avion. Et petit verre de vin, petite gravole, coup de poing sur la tempe. Tout ce qui donne envie de dormir. Tout ce qui donne envie de dormir. Non, mais un somnifère, là, un bon somnifère. Là, 3-4 bons somnifères pour être sûr d'être bien assommé et de bien baver sur ton voisin. Là. Oui. Au pire, peut-être que la série « Tu m'aimes-tu » va être diffusée dans le In-Flight Entertainment. Oui, je pense qu'elle est diffusée pour vrai. Oui, oui. Et d'ailleurs, Adam et Ève. Et Adam et Ève y étaient récemment, c'est vrai. Ainsi que le show de Cathy Gauthier, hein, tu te souviens? On a essayé de l'écouter un peu. C'est vrai, ça, on a toffé quand même 20 minutes. Oui. 100% vache folle, ça? C'était 100% vache folle. Et le numéro d'ouverture sur Céline Dion est d'une platitude à endormir qui que ce soit. Oui. Ah, vous riez, mais Antoine est quand même... sur la plupart des vols avec LOL. Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Bien sûr. LOL, Air Transat, oui. Ça part tout de suite. Ouais. Mais je pensais à une tâche. Moi, je sais que des fois, dans un long voyage, je vais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire chez moi, comme classer des photos sur mon laptop. Oui, c'est vrai, oui. Mais tu sais, quelque chose d'une tâche fastidieuse là, que tu fais. Fallait bien que quelqu'un le fasse ouais. Un jour, j'en profite là. Ou, tu sais, un pain de viande, tu sais, ça, on prend jamais le temps chez nous, tu sais. Oui, classer ses pains. Faut pas que t'amènes plus que 100 ml de viande hachée. Mais classer ses pains de viande, tu sais, bon. C'est comme faire le ménage de nos garde-robes. Souvent, les chaussures traînent partout. Ouais, peut-être oui. En profiter pour faire le ménage de notre garde-robe. Ouais. Dans notre tête. Ouais. Se faire un ça, plan. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Hey, on est en feu, les gars. Un petit dernier tour de table, si avez-vous d'autres trucs? Ben, moi, c'est pas tant un truc que, mettons, quelque chose à ne pas faire. Okay. Tu sais, souvent, les gens sont très stressés dans l'avion et ont peur de manquer quelque chose. Et dire à l'hôtesse de l'air, réveille-moi quand le lunch va arriver, c'est pas ta meilleure idée. Non. Parce que tu pourrais continuer à dormir, puis inquiète-toi pas, t'es ton lunch, ils le jetteront pas si jamais tu dors. Ils vont te mettre un petit sticker. Puis quand tu vas te réveiller, tu peux appeler l'hôtesse de l'air, puis elle va venir te porter ton repas. Donc, ah, c'est bon, ça. Pas de problème, pas de souci. Solide. Oui. Ouais, génial. Non, mais en même temps, quand t'es le dernier dans le fil, il te reste, tu sais, il y a toujours les deux choix, genre poulet ou pâte, là. Ouais, ça dépend où tu vas. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es dans le fond, ils font « Ouais, on n'est plus de pâte. » Ouais. Là, puis il y a un choix qui part vite, puis tu te dis « Pourquoi? » Tu sais, de toute façon, ils sont tous mauvais. Ça, c'est le fun, juger ses voisins, par exemple, à ce sujet. T'sais, ton voisin prend quelque chose de weird, puis tu le juges. Tu sais, souvent, on pense que si on devient ami avec nos voisins, le temps va passer plus vite. Ça peut être aussi une autre erreur fatale. Une chose, mettre tout de suite au clair avec le voisin d'en face qu'il ne doit pas baisser son banc. Faut prendre, tu essaies de prendre un deal avec toute la rangée, là, toute ta rangée à toi. Là, tu vas voir tout le monde, tu dis « OK, on ne baisse pas nos bancs, ou le contraire, on reste debout. » Ou au contraire, on baisse tous nos bancs quand on le cale, tu sais. Go! Comment t'interagirais, toi, Martin, avec ton voisin d'arrière, mettons qu'il arrête pas de gosser dans le banc pour chercher des affaires, puis qu'il kick parce qu'il change de position, puis qu'il met ses genoux parce qu'il sait pas comment dormir, ou qu'il rentre sa tête dans ton banc? T'sais, qu'est-ce que tu ferais? Ben moi, je pense que je me lèverais et puis j'y crisserais un coup de genou dans le lunch assez raide qui aurait un goût de prostate dans la bouche. Dans son lunch, je veux dire, ça, c'est si le tableau repas est là, là, c'est ça. Le plateau repas, là. Ouais, c'est ça. Non, mais il n'y a rien de plus frustrant que ça, là, se faire déranger. Puis en plus, on est tellement confinés, c'est tellement tout petit l'espace que tu te dis non. Ah. Surtout quand c'est des enfants, tu sais, tu le regardes, tu dis, toi, il y a 10 ans, t'étais même pas né. J'ai 11 ans. Et voilà. Donc... t'es pas mieux. Oui, t'es en feu, Mathieu. À soir, là. Ah, oui, oui, complètement. Oui. Moi, j'en aurais plein encore, je crois. Oui, moi, j'avais aussi s'inventé un personnage fictif dans l'avion. C'est mettre un personnage de pilote, genre? Oui, oui, ou tu sais, comme juste se promener là, avec un monocle ou un faux monocle, puis dire, tu sais, « Oh, cet avion n'est pas comme ce que j'ai pris. » Oui, oui. Ça, c'est bon, là. Ou déguisé en capitaine, justement, dans les toilettes, et là, tu sors en disant « Hey, tout le monde, je vais pas vous alarmer, mais il se passe quelque chose de vraiment pas le fun en avant. » Oui, c'est le bal du capitaine! La la la la la la la! Mais je trouve que t'as un bon filon avec aller se déguiser dans les toilettes. Oui, oui, oui. Tu sais, tantôt, on parlait de changer de soute, mais au lieu d'être ton soute confortable, c'est justement un zombie ou... Oui. Comment? Un touti. Tout-ti. Comme le génocide? Là? Non, comme Dustin Hoffman. Ah, OK, tout-ti. Ben oui, ben oui. Déguisé en femme. Ben oui, ben, je trouvais ça déguisé en tout-ti. Moi, j'aime ça. C'est touché, là. Messieurs, vos solutions préférées? Oui. Si jamais vous n'en avez pas d'autres... Je sais pas, J'en ai une autre, mais c'est pas ma préférée, nécessairement. Non, non, mais moi, j'invite Geneviève à spotter dans l'avion l'oasis. Il y a toujours un oasis, c'est la place où toutes les hôtesses de l'air gardent dans un panier des petits goodies, là, des affaires le fun qu'on donne aux clients quand ils se plaignent ou quand ils ont faim en cours de route. Fait que je l'invite à se lever quand elle a faim ou quand elle s'ennuie, puis aller piger dans le panier quand il n'y a personne. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire dans un vol. Ou à l'hôtel. Oui. Non, ouais. Tu sais, quand il y a le petit cart là, de la femme de ménage, là, tu disais « Hey, des petits savons. Il me faut des petits savons. Oui, ça c'est sûr. Hey, pensez-vous qu'il y a moyen de jouer à la cachette avec un ami dans l'avion? Je sais que les cachettes sont limitées quand même. Mais tu sais, il y a peut-être moyen de faire trois bons tours. Mettons. Ouais, mais tu vois, trois bons tours de cachette? Ouais. Dans Où est Charlie, là, Charlie, il est jamais vraiment caché, mais il est dur à trouver. Oui, tu peux jouer à Où est Mathieu, c'est mettons. Oui, puis tu sais, si j'ai mis là, mon suit là, de siège Air Transat, tu sais, lui que je garde pour les grandes soirées. Oui, là. Oui, tu l'avais mis à l'Halloween l'année passée, je me rappelle, on n'avait pas compris ce qui s'était passé. Mais un petit truc, c'est une petite astuce d'avion. Si tu dis que tu es allergique à quelque chose, des fois, ils t'offrent le repas cachère ou tu dis tout simplement « Est-ce que je peux avoir le repas cachère? » Puis là, c'est drôle, ça fait passer le temps parce que tout le monde pense que tu es juif. Non, non. tu le manges, tu sais « Yark! » Et ben, OK. Alors, on a une solution à crier dans la salle? Oui, c'est que... Tête immobile dans le fond, fait que tu peux jouer à qui est-ce, mais en vrai. Ah, oh, oh, c'est full jouer bon. À qui est-ce j'ai déjà vrai. Fait ça, moi, hein, pour vrai, dans un tournoi d'impro en Europe, j'ai déjà organisé un jeu de qui est-ce géant. Il y avait comme des estrades, là, vraiment en pente, et j'avais demandé à tout le monde de s'asseoir, et puis là, quelqu'un sortait, choisissait quelqu'un. On choisissait quelqu'un, puis il rentrait, puis on disait « Est-ce que cette personne-là a un chapeau? » Et là, okay. Tous les gens qui n'avaient pas de chapeau se penchaient par en avant. Mais tu joues un à la fois, parce que sinon, il te faut un set de deux. Ah non, tu peux juste jumeaux. Jouer à deux. Les autres sont tous... Mais si t'as un vol avec juste des jumeaux, là, tu peux jouer à deux. Ouais, ouais. Un vol de jumeaux. Il y en a des fois. Sur, oui. Juste pour rire en organisant, je pense. Hein, oui, mais... oui. La thématique de cette année. Oui. Alors, allons-y pour les solutions préférées, messieurs. Oui. Ben, moi, ma solution préférée, je pense que c'est vraiment celle de François d'en profiter pour spotter quelqu'un et de se dire, d'ici la fin du voyage, moi et cette personne-là, on couche ensemble dans les toilettes. Donc, justement, pénis sur l'épaule. c'était quoi l'autre aussi? Quoi? Oui? Non, il n'y a pas juste pénis sur l'épaule, là. C'est pas de même qu'on va l'avoir, là. Vous avez suggéré d'autres affaires, là, pour l'approcher tranquillement. Non, non, pas pétant en classe affaire. Classe affaire. Mais c'est le fun, vous suivez. Oui. Non, mais en tout cas, là, tu sais, essayez de chercher quelque chose à tâton. Non, mais c'est de la retrouver en allant aux toilettes. Oui, c'est ça. Des contact eyes, ouais, tout c'est ça. S'arranger pour écouter la même chose qu'elle. Ouais. Bandé, hein, on écoute. On écoute la même chose, on pourrait l'écouter ensemble, ouais. Prendre un écouteur. Bander autour du repas cachère. Hey, c'était pas bon. Ouais. Non, c'était pas bon. Le repas, regarde. C'était cher. C'était cachère. Ah, on l'attendait. Hey, on s'est demandé. Hey, c'était pas bon. Ouais. Il y a fera pas. Mais, OK. François, toi, as-tu une solution préférée? Y a-tu quelque chose que tu aurais dans ton prochain vol que tu vas essayer? C'est une excellente question. Je vais certainement essayer le jeu de qui est-ce. Oh, une solution de Pierre-Luc. D'ailleurs, on salue nos bros de cast de Trois-Bières qui sont dans l'assistance. Donc, allez chercher sur iTunes ou baladoquebec.ca Trois-Bières à chaque semaine. Et puis, même chose. Mais ils sont juste deux bières. Hein. Il y en a un qui vient jamais. Là, je rêve pas oui, à ça. Oui, c'est la rousse ne vient pas. Non, il y a la blonde, il y a la noire, mais la rousse ne vient jamais. Ils prennent trois bières. C'est trois quoi? Ils nous aiment pas, le troisième? Ou... Eux autres, ils écoutent notre... Ah! Ah! Mais je suis invité au prochain. Oui. Yeah! Alors... et pas nous autres? Non, parce que vous écoutez pas leur podcast. Donc... Mon Dieu. si Fred est là, ça va être 8 bières, certain. Solide! Oui, mais on vous invite à nous fournir vos solutions à vous sur notre site notre site qui s'appelle oui. Facebook. Notre site internet qu'on a lancé. .com/ pas de problème ou par courriel pas de problème @gmail.com. D'ailleurs, si vous avez une façon d'enregistrer des messages, on aimerait bien recevoir vos messages par courriel. Oui. C'est super simple, là, vous pouvez le faire sur votre iPhone si vous en avez un. Vous enregistrez, vous nous dites « Salut, moi j'écoute, pas de problème, voici ma solution préférée. Vous avez un problème, ils ont un podcast. » Ça se peut qu'on vous insère dans un podcast. Là, je pitch ça de même, mais ça se peut que ça ne marche pas non plus. Tout dépend. Oui. Et moi, ma solution préférée, je sais pas. C'est pas. C'est pas le pet en classe affaires. C'est clairement ça. OK. Yeah. Messieurs. Mathieu? Oui, moi j'ai quelque chose à dire, car la semaine prochaine, vous pensiez peut-être que c'était le dernier problème qu'on allait régler aujourd'hui, mais il n'en est rien. Il en reste au moins 1000. Et lui de la semaine prochaine sera un problème de Alexandre Harton, qui veut agrandir sa culture générale en peu de temps. Alors on aura l'expert en culture générale, Jean-François Aubé, avec nous. Qui sait tout, hein, lui? Il sait vraiment tout de toi. Et on aimerait... Il le connaît par cœur. C'est tout de nous. On aimerait remercier François Gilbert et on vous invite à aller vous procurer son livre aux éditions Le Méac, Comment. Eh oui, d'ailleurs, il y a une scène dans l'avion. Oui, c'est vrai. Oui, un avion en Asie en plus. Et là, t'es en train de produire un autre livre? Oui, j'achève. Oui, et je sais que t'as un autre livre qui s'appelle Les gladiateurs, le spectacle du sang. C'est François Gilbert, mais c'est pas le même. J'ai tellement trouvé ça drôle quand j'ai vu ça. Ça aurait été drôle que ça soit toi. Donc, ben oui, allez voir ça, allez le lire, vous procurer son livre. Ainsi que le T-shirt au design gagnant de Andy Boucher en vente sur le site MrDressUp.com. Allez voir ça. C'est un charme, hein? L'impression est très jolie, puis c'est bien le fun. Et là, j'ai une petite parenthèse à faire. Vous savez à quel point on a toujours fait des petites blagues sur « à la semaine prochaine ». Eh bien, l'émission à Radio-Canada... Oui, d'ailleurs, t'imitais Edith Butler, là. Oui! Eh bien, cette semaine, ce samedi, vous écouterez, je suis invité à, pas à la semaine prochaine, mais à pouvez-vous répéter la question, et celui qui remplace Pierre Brassard, c'est Philippe Lagu. Wow! Ouais! Oh, ben, je suis content! J'ai essayé de plugger, pas de problème. Donc, ben oui! Et sinon, au Théâtre Sainte-Catherine, jeudi, non, ce soir, si vous écoutez le podcast quand il sort, Prends ton gaz égal à 19h, je joue avec plusieurs improvisateurs et je jouerai aussi dans Impro Tommy du 16 au 19 sur la scène Loto-Québec à Juste pour rire. Et toi, on joue le 24 juillet ensemble aussi au Zoo Fest. Plus tard que dans deux semaines. Et toi, Martin? Oui, mais moi, avec mon collectif Le Petit Rire Jaune, on va être en spectacle le 14, le 15 et le 16 juillet, ainsi que le 21, 22, 23 juillet au Zoo Fest, au Théâtre La Chapelle à 20h. Zoofest.com pour les détails. Ce qui confirme notre théorie que si tu habites à Montréal, t'es dans le Zoo Fest. T'es dans le Zoo Fest. Ouais. T'as un show au Zoo Fest. Hey, on vient d'avoir une dernière solution sur Twitter de Jonathan Bob Savoie qui a écrit « Crier une bombe! Une bombe! Oh. » Ça doit faire passer le temps. Le temps passe vite après. Ou tu reviens... Hey, la semaine passée, Fred, je fais une parenthèse avant de terminer, on a eu des visiteurs et visiteuses de Québec, des podophiles, fans de Pas de problème, qui nous ont confié qu'ils jouaient au jeu Pas de problème. Ah oui! Oui, le jeu à boire, en fait, qui consiste à boire une gorgée à chaque fois qu'on entend crise et opportunité, Twitter, Moufette qui pète et JP crier chou. Ouais. Il va falloir changer les règlements parce que là... Ouais, il y avait des statistiques d'Antoine aussi, non? Oui, chaque fois qu'Antoine dit une statistique. Oui. Mais bon, on les salue, puis on leur dit de continuer de jouer à ce jeu-là. Ils doivent être de moins en moins sous en jouant à ça parce que Antoine et JP sont plus là. Et en parlant de saluer du monde, Jonathan Bob Savoie, que j'ai rencontré en fin de semaine passée à Bathurst. Hein? On a des fans partout. On lui salue encore. Merci. Un merci à vous, cher public d'être venu. On se revoit la semaine prochaine. Ils sont en feu. Ce qui est dans 5 minutes pour vous. Merci encore, François. Et le mot de la fin, François? Bye! Non, c'est pas ça le mot de la fin, François. Excusez. Il est écrit sur... Est-ce quelqu'un qui peut lui montrer le poster qui est juste en face? Vous avez un problème. Nous avons un POD cast? Ouais! Un homme de lettres. La fin la plus anti-climax de Pas de problème. Merci.